Chapitre 16e, prise au piège. Le premier sentiment de Maresco, lorsqu'il fut arrivé au bas du caveau, fut la stupeur. Il passa une partie de la nuit à réfléchir. « C'est un truc nouveau, » se disait-il entre autres choses. « Ces damnés Américains ont tous les jours des idées de l'autre monde. Mais quel sera le dénouement de cette aventure? Me livrera-t-on à la justice ?» Le souvenir de la voix qui lui avait recommandé le silence lui mit un peu de baume dans le sang. Il lui semblait évident que, puisqu'on lui avait conseillé la prudence, c'est qu'on ne voulait point le déférer à la cour d'assises. Mais pourquoi? Telle était la question qu'il se posait sans pouvoir la résoudre. L'Indienne, qui était imbue d'idées fatalistes, comme toutes les femmes de sa race, avait accepté cet incompréhensible événement avec une résignation stoïque. Assise dans un coin de la prison souterraine, elle ne redoutait rien et s'attendait à tout. La nuit s'écoula sans aucun incident, et le roulement des voitures annonça que le jour était venu. Plusieurs heures se passèrent encore, et personne ne se montrait. « Aurait-on l'intention de nous laisser mourir de faim ?» se demanda Maresco en frissonnant. En réponse à cette question, une lampe à réflecteur brilla au-dessus de sa tête, et un panier rempli de provisions descendit à l'aide d'une corde. Ce repas inespéré n'avait rien de luxueux. Une bouteille de vin, une cruche d'eau, du pain et un quartier de jambon, c'était tout. Le premier mouvement de Maresco fut de se précipiter sur les vivres, mais une réflexion l'arrêta au milieu de son élan. « Si ces vivres étaient empoisonnés ?» se dit-il. Il se contenta de boire un peu d'eau et mangea un morceau de pain. Plus confiante, sa compagne fit honneur au jambon et but quelques gorgées de vin. Le bandit, dominé par une horrible pensée égoïste, la laissa faire en se disant que si les aliments étaient empoisonnés, les souffrances de l'Indienne le lui apprendraient bientôt. Son repas achevé, la gazelle s'endormit. Alors la lampe qui éclairait le souterrain s'éteignit subitement et Maresco se trouva de nouveau plongé dans les ténèbres. Le temps lui parut d'une longueur incommensurable et, à l'exemple de sa compagne de captivité, il voulut dormir, mais le sommeil ne vint pas. Et un à un, les actes criminels de sa vie se retracèrent dans sa pensée. D'abord, le vieux duc de Clodion avec son auréole de cheveux blancs, assassiné par lui, et Jean de Clodion, le fils légitime du duc, devenu fou, qu'il avait entraîné au fond d'un désert. Puis il entendit, sortant de la grotte sinistre de Franchard, les supplications de Cormoran et son dernier cri d'agonie. Enfin, comme contraste, se dressa devant lui l'image exécrée de Carmela. Cette vengeance qu'il avait pendant si longtemps caressée et poursuivie, si elle lui était échappée, si le bras d'Hector, au moment de la frappe, avait faibli. Oh, quelle eût été sa joie s'il avait connu l'épouvantable dénouement de la tragédie dont il pouvait, à bon droit, réclamer la paternité. Mais il l'ignorait, et cette ignorance était un supplice de plus, un supplice plus atroce que tous ses remords. Cependant, les heures succédaient aux heures, et de nouveau, il ressentit les tortures de la faim. Rassuré qu'il était sur l'innocuité des aliments qu'on lui avait descendus, il dévora ce qui restait du pain et du jambon et acheva la bouteille de vin. Bientôt, les bruits de la rue se ralentirent par degrés, puis s'éteignirent, et Maresco comprit que la nuit était arrivée depuis longtemps. Un coup se fit alors entendre, non plus au-dessus de sa tête, mais tout près de lui. Une porte qu'il n'avait pas aperçue et qui se confondait pour ainsi dire avec la muraille venait de s'ouvrir. La première pensée de Maresco fut de s'élancer et de renverser tous les obstacles afin de reconquérir sa liberté. Mais il recula soudainement. La lampe à réflecteur avait été rallumée, et à sa clarté, Maresco vit devant lui un homme armé d'un revolver. Cet homme était Pedro Diaz. « Venez-vous pour m'assassiner ?» lui dit le prisonnier terrifié. « Je ne vous tuerai que si vous m'y contraigniez, » répondit le Texien. « Que voulez-vous alors ?»« Je veux vous tenir en respect pendant que mon maître vous fera connaître ses volontés. » En ce moment, et comme pour justifier ses paroles, Jean de Clodion parut dans le caveau. Maresco poussa un cri et recula. « Don José » fit-il avec stupéfaction. « Mais on m'avait dit, je ne suis pas José, mais le duc Jean !» interrompit le jeune duc. « Vous, le fils légitime, vous, vous ?»« Moi !» répondit Jean de Clodion d'une voix glacée. « Vous êtes en mon pouvoir !» continua le duc. « Un signe de ma main, une parole de ma bouche, et votre échafaud se dresserait. Mais ce n'est pas le sort qui vous attend. » Un châtiment plus terrible est réservé à vos crimes. » Maresco, sans pressentir encore quel châtiment lui serait infligé, frissonna en entendant ces paroles. « Une voiture va vous emmener dans une heure et vous transportera à Saint-Nazaire, » poursuivit Jean. « Là, vous montrez sur un yacht qui vous débarquera à un petit port américain. Et vous serez livré à un juge impitoyable, au chef indien dont vous avez enlevé la fille et qui vous fera attacher au poteau du supplice. « 1000 fois l'échafaud !» s'écria le bandit affolé de terreur. « Vous n'avez pas de choix à faire !» répliqua le jeune duc. « Votre destinée est irrévocablement fixée et elle s'accomplira. Je ne veux pas de cette horrible mort. Je ne veux pas, je n'en veux pas !»« Tu sauras mourir en homme !» lui dit l'Indienne. « Et moi je partagerai ton sort. Non, non, pas cette mort-là. Qu'on me tue tout de suite. Tue-moi, toi !» ajouta Marescot en se tournant vers Pedro Diaz. « Envoie-moi une balle dans la tête, je t'en supplie, je t'en conjure, et je bénirai ta main. » Jean de Clodion ouvrit une porte. « Venez, docteur, » dit-il à Cavarox. « Tout à l'heure, vous me parliez d'un moyen qui dompte toutes les résistances. Avant 10 minutes, ce misérable sera sans force, sans volonté et sans voix, » répondit le célèbre praticien. « Eh bien, je vous le livre, » repartit Jean. Marescot, au milieu de son épouvante toujours croissante, se demandait quel pouvait être ce moyen qui devait le réduire à l'impuissance. Grand fut son étonnement lorsqu'il vit les trois hommes sortir du caveau. Puis de nouveau, la lampe s'éteignit. Des émanations douces et pénétrantes se répandirent dans le souterrain. Marescot d'abord crut rêver. « Ne sens-tu pas dans l'air comme un parfum de fleurs ? » dit-il au bout de quelques instants à sa jeune compagne. « Oui, » répondit-elle, « on croirait notre prison pleine de ces fleurs bleuâtres qui donnent le sommeil. » En effet, c'est le parfum du datura, reprit le capitaine. Et après un court silence pendant lequel il réfléchissait, il ajouta. J'éprouve comme une langueur qui se répand dans tout mon être, et mes paupières sont pesantes comme si elles étaient de plomb. Moi de même, murmura l'Indienne. Je ne veux pas dormir, s'écria Marescot, en se secouant pour échapper aux émanations somnifères. Je ne veux pas dormir, car il m'emmènerait pendant mon sommeil. Il se leva et se mit à marcher de ce pas précipité qu'ont les fauves enfermés dans une cage. Mais les vapeurs qui partaient d'une source invisible devinrent plus épaisses et plus pénétrantes. Il ne marchait plus, il titubait comme un homme ivre. À la fin, il tomba lourdement, écrasé par le sommeil. L'Indienne aussi s'était endormie, et un doux sourire s'épanouissait sur ses lèvres. Elle rêvait aux chères prairies inoubliées de sa terre natale. Tous les deux étaient plongés depuis quelque temps dans un complet état de léthargie, et la pendule de l'hôtel marquait 2 heures du matin lorsque Pedro Diaz ouvrit de nouveau la porte du caveau. Il enleva Marescot dans ses bras et gagna la cour où stationnait une voiture attelée de 2 chevaux. À première vue, cette voiture ressemblait à celle dans laquelle les riches marchands forains transportent leurs marchandises. Elle avait la forme d'une boîte longue, mais au lieu d'être en toile mince, comme celle dont on se sert dans le commerce forain, cette voiture était en chêne, revêtue d'une plaque de fer assez épaisse qui constituait un blindage des plus résistants. La porte qui donnait accès à l'intérieur était fermée par une double serrure qui ne s'ouvrait qu'au moyen d'un secret, et pour plus de sûreté, des verrous extérieurs avaient été placés du haut en bas de la porte. Le dessus de la voiture était percé de plusieurs trous ronds qui permettaient à l'air de pénétrer dedans. L'intérieur était des plus simples, 2 banquettes en garnissaient les côtés. Le siège du cocher était abrité par le prolongement du plafond de la caisse qui se terminait par une sorte de cabriolet. Cette partie de la voiture était isolée de l'autre par une épaisse cloison. Enfin, un basistas qui s'ouvrait et se fermait à volonté laissait au conducteur la faculté de surveiller ce qui se passait à l'intérieur. Lorsque Pedro Diaz fut arrivé dans la cour avec son fardeau, il plaça le dormeur sous l'une des banquettes, puis il alla prendre la jeune fille indienne et, comme il avait fait de Marescot, la coucha sur l'autre banquette. Cette double opération terminée, il ferma la porte de la voiture, fit jouer les serrures, tira les verrous et, après avoir ouvert sans bruit la grille de l'hôtel, il monta sur le siège et prit en main les guides. « Tu trouveras des chevaux frais, au relais que je t'ai indiqué, » lui dit le duc de Clodion, « et fais en sorte d'arriver le soir à Saint-Nazaire, afin d'opérer l'embarquement pendant la nuit. « Comptez sur ma prudence, monseigneur, » répondit le Texien. « Mon brave Diaz, » dit à son tour le docteur Cavarox en lui tendant la main, « nous ne nous reverrons pas avant 1 an. »« Oui, 1 an au moins, docteur, et je compterai les jours, » reprit Pedro avec un léger tremblement dans la voix. Le duc Jean lui saisit la main et la pressant affectueusement dans la sienne. « Allons, du courage, Pedro. Comme à toi, cette séparation m'est cruelle. Mais plus heureux que moi, tu peux te dire que si tu pars, c'est pour rendre un nouveau et dernier service au fils de ton ancien ami. » Pedro Diaz porta à ses lèvres la main du jeune duc, puis il lança un vigoureux coup de fouet à ses chevaux qui partirent au galop. Lorsque le bruit des roues se fut perdu sur le sol uni de la route, Jean de Clodion, s'arrachant à son émotion, se redressa et son regard étincela. « Enfin, dit-il à Gavarroche, mon pauvre père va donc être vengé, et en même temps j'ai retenu ma promesse faite au chef indien. Je lui livre le ravisseur de sa fille. » « La nuit avance, mon ami, répondit le docteur, et je vous engage à prendre un peu de repos. C'est demain à 9 heures qu'auront lieu les funérailles de Don José, et vous y assisterez sans doute. » « Si grands qu'étaient ses crimes, il n'en était pas mon frère, » répliqua le jeune duc. « Mais quel nom avez-vous dit qu'on inscrive sur sa tombe ? Aucun. Quoi, pas même le sien ? Pour tout le monde, son nom, comme sa mort, est demeuré un mystère. « Mais son nom, moi, je le connais. Vous ne le prononcerez pas. Pourquoi ? Le doigt de Dieu apparaît dans les événements terribles qui se sont accomplis. » Repartit Gavarroche d'un ton grave, « et votre devoir aujourd'hui est de remettre les choses à leur véritable place. » « Expliquez-vous, dit Jean, j'ai l'esprit si troublé que le sens de vos paroles m'échappe. J'entends par là que la mort de José vous met vis-à-vis de la duchesse dans la situation où vous vous trouviez lorsqu'elle était votre fiancée. « Hélas, murmure le jeune duc, que de douleurs et de larmes depuis. « Oui, mais l'avenir ne peut-il pas effacer le passé ? Vous aimez toujours Fernande, n'est-ce pas ? Ces malheurs me le rendent 1000 fois plus cher, répondit Jean avec explosion. Alors tout est réparable. Et c'est pour cela que l'honneur de votre nom et celui de la femme que vous aimez exige que nul au monde ne soupçonne qu'il a existé 2 ducs de Clodion, l'un qui avait effrontément volé ce titre et l'autre, qui ayant le droit de le porter, a subi cette usurpation sans démasquer l'usurpateur. Dès à présent, sœur Joanne Asselet doit disparaître pour toujours et faire place au duc Jean de Clodion. » Jean tomba dans une méditation profonde, puis, sortant enfin de sa rêverie, « À demain 9 heures, là-bas, au cimetière, » dit-il le docteur Gavarroche, « et je vous apprendrai ce que j'aurai résolu. » Marisco et l'Indienne ne se réveillèrent qu'au-delà d'Orléans. Le capitaine, en ouvrant les yeux, éprouva une vive surprise de se voir enfermé dans une voiture et chercha à se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. Il comprit au cahotement du véhicule qu'il était sur une grande route et la lumière qui pénétrait dans son cachot ambulant à travers les trous ronds percés dans le plafond, lui apprit qu'il faisait grand jour. Le souvenir des événements de l'avant-dernière nuit lui revint alors en mémoire, et il poussa une sorte de rugissement en frappant avec rage contre la cloison qui le séparait de son conducteur. Pedro Diaz ouvrit le vasistas. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-il. « Je veux sortir d'ici !» vociféra le bandit. Le Texien, pour toute réponse, lui montra la gueule d'un revolver. Le capitaine, qui malgré tout tenait à la vie, comprit l'éloquence de cet argument et rentra dans le silence. La voiture continua à rouler sur la route de Nantes. À quelques lieues de cette ville, les prisonniers ressentirent les atteintes de la faim. Marisco heurta de nouveau contre la cloison et de nouveau, le vasista s'ouvrit. « Qu'est-ce encore ? » dit Pedro. « Nous avons faim !» répondit le bandit. Le Texien tira une petite fiole de sa poche, en versa le contenu dans une bouteille de vin et passa la bouteille à Marisco avec quelques vivres. Les prisonniers, qui étaient à jeun depuis 48 heures, burent et mangèrent avec avidité, sans se préoccuper de la nature de leurs aliments, et bientôt un invincible sommeil les envahit. Lorsqu'ils arrivèrent à Nantes, ils dormaient si profondément que les cahots de la voiture sur les pavés ne parvinrent pas à les réveiller. À Saint-Nazaire, ils dormaient encore. Pedro Diaz, conformément aux instructions du duc de Clodion, se dirigea immédiatement vers le port. Il était alors 1 heure du matin. Le port était désert. Les vaisseaux et les paquebots apparaissaient au loin comme des fantômes. Les mâts qui se dressaient çà et là faisaient penser aux forêts pétrifiées du nord. On n'entendait que le bruit monotone des vagues qui battaient la jetée, et les fanaux qui brillaient dans le lointain indiquaient la place de chaque navire. Quand la voiture fut arrivée sur le quai, elle s'arrêta, et Pedro prêta l'oreille. Alors, une forme humaine sortit de dessous un amoncellement de bois de construction et se dirigea vers la voiture. « Vous êtes l'homme de sœur Joanne Asselet ?» demanda au Texien cet individu qui avait toutes les allures d'un marin. « Je suis celui que vous attendez, » répondit Pedro Diaz. « Le mot d'ordre, montagne rocheuse. Vos prisonniers sont là ?»« Oui, et nous allons les transporter à bord du yacht. » l'individu donna un coup de sifflet et un autre individu qui était couché au fond d'une barque accourut. Pedro tira les verrous de la porte de la voiture et ouvrit la serrure. L'homme à la barque, pendant ce temps, était monté sur le siège et maintenait les chevaux. « Chargez-vous de la femme, moi je porterai l'homme, » dit le Texien au marin. Quelques instants après, les deux dormeurs étaient dans la barque, qui s'éloigna rapidement du bord, tandis que l'homme à la barque emmenait la voiture vide. « Où est le yacht ?» demanda Pedro Diaz à son compagnon. « Assis en câblure d'ici, avec mes hommes prêts à partir. » Ce yacht était celui que le marquis de Kerdal avait fait construire à l'Orient afin de transporter Don José au Texas. À défaut de José, il allait emmener Maresco et sa compagne. Dès que la barque l'eut rejoint, une sorte de grand panier descendit du pont, le bandit fut placé dedans et hissé à bord, puis ce fut le tour de la jeune indienne. Lorsqu'ils eurent été enfermés tous les deux dans la cabine doublée de tôle, on leva l'ancre et l'hélice du yacht entra en mouvement. Quelques heures plus tard, l'action du narcotique avait cessé et les prisonniers se réveillèrent. Le roulier apprit à Maresco qu'on était en pleine mer. Il chercha à enfoncer la porte de sa cabine, mais elle résista à tous ses efforts. Pris d'une rage furieuse, il éclata en menaces et en imprécations. Comme dans la voiture, un petit vasistas s'ouvrit. « Quelle lubie vous prend encore ?» lui demanda Pedro Diaz. « Je veux sortir de cette boîte !» répondit Maresco qui écumait. « Toujours la même chanson, eh bien, sortez-en si vous le pouvez. J'appellerai à mon aide. Libre à vous, criez, tempêtez, hurlez tout à votre aise, si ça peut vous soulager. Mais ça ne changera rien aux choses, vous êtes mon prisonnier et je ne vous lâcherai pas. » La traversée, à part les perpétuelles fureurs de Maresco, s'effectua paisiblement. Deux fois par jour, le guichet de la cabine s'ouvrait pour faire passer les provisions aux prisonniers et se refermait aussitôt.